Ce qui m'amène à reparler d'une autre transformation, tout aussi utile et simple que les précédentes, et dont Michel Thomas parlait déjà dans ses méthodes. Quand un mot français se termine en « ment », M-E-N-T, comme c'est le cas de la plupart des adverbes, comme « naturellement » que nous venons de citer, eh bien son « English equivalent » se termine le plus souvent en « L-Y ». Naturally, vous serez totally satisfait du résultat. Et maintenant, à vous de jouer. Comment direz-vous « Personnellement, je pense que ce restaurant est excellent. » Personally, I think that this restaurant is excellent. Personally, I think that this restaurant is excellent. Ou bien si vous choisissez d'omettre that, personally, I think this restaurant is excellent. Mais watch out! Attention aux faux amis qui peuvent se mêler à la foule des vrais amis. Je pense notamment à un adverbe en LY, particulièrement courant. Si vous voulez dire il est actuellement en Angleterre, il ne faut pas employer actually, car actually a un autre sens. Il veut dire en fait. Pour traduire actuellement en anglais, vous devrez employer par exemple at the moment, c'est-à-dire en ce moment. At the moment. Alors maintenant que vous êtes prévenu, si l'Angleterre se dit England tout court, donc sans the, comment dira-t-on « il est en Angleterre actuellement » He is in England at the moment. He is in England at the moment, c'est-à-dire actuellement. En revanche, si vous voulez dire « je pensais qu'elle était anglaise, mais en fait, elle est américaine », comment direz-vous ça, sachant que « anglais » se dit « English » et « américain » « American » et que le verbe « to think » au passé donne « thought » T-H-O-U-G-H-T. Alors, je pensais qu'elle était anglaise, mais en fait, elle est américaine. I thought she was English, but actually she is American. OK. I thought that, ou sans le that, I thought tout court, she was English, but actually she is American. Donc, avec actually, qui ne veut pas dire actuellement, mais bien en fait, mais en fait, elle est américaine. Vous pouvez bien sûr aussi employer « in fact » au lieu de « actually ».« In fact » qui a l'avantage de ressembler au français « en fait ». Et maintenant, comment direz-vous « c'est probablement une bonne idée » Alors, à l'écrit, le mot pour « idée » ressemble beaucoup au français, mais la prononciation est très différente. « Idea ». I-D-E-A. « Idea ». Alors, c'est probablement une bonne idée, se dira. It's probably a good idea. It's probably a good idea. Oui. Vous connaissiez déjà probable, probable, et donc probably, c'est probablement. Mais si vous voulez vous montrer un peu plus convaincu, au lieu de dire c'est probablement une bonne idée, vous pouvez dire en fait c'est une bonne idée. Actually, it's a good idea. Actually, ou bien in fact, donc en fait, it's a good idea. Et si, comme vous le savez déjà peut-être, ce que se dit what, comment direz-vous c'est exactement ce que j'ai fait? It's exactly what I did. C'est ça, it's exactly what I did, avec did, qui est la forme de to do au passé. Et comment direz-vous finalement? Finally. Bien sûr, finally. Finally qui s'écrit avec deux L. F-I-N-A, deux L, Y. Est-ce que vous pouvez répéter ce mot? Finally. Finally. Bien, alors, sachant que après se dit after, A-F-T-E-R, et voyage, quand il s'agit d'un voyage aller, se dit journey, J-O-U-R-N-E-Y. Comment direz-vous, après un voyage extrêmement long, nous sommes finalement arrivés à New Delhi. Alors, pour dire long, on emploie le même mot qu'en français, mais prononcé long. Donc, après un voyage extrêmement long. After an extremely long journey. After an extremely long journey. Si vous avez pensé à mettre un, A-N, au lieu de E devant extremely, alors well done. An extremely, parce que, comme vous le savez déjà, a extremely, donc deux voyelles qui se suivent, ce n'est pas très joli à entendre, alors on emploie an au lieu de a. An extremely. Donc, after an extremely long journey, nous sommes finalement arrivés à New Delhi. We finally arrived in New Delhi. After an extremely long journey, we finally arrived in New Delhi.